السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول المعروف. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ندي شابيتر لا بارول كونفنابل. Chapitre, la parole convenable. Et la parole convenable est celle qui est dépourvue de tout mal. C'est plutôt une parole renfermant exclusivement du bien, de l'utilité, une parole bénéfique et profitable à celui qui la prononce ou à celui et ou à celui qu'il écoute. Et le but de l'auteur à travers ce chapitre est de nous montrer que la bonne parole est une sadaqa, c'est une aumône. Et le bien se divise en deux, du point de vue de sa répercussion sur autrui. Il y a le bien dont le naf'a, dont l'utilité est appelée qasir. L'utilité ne s'opère que sur celui qui le fait, comme la prière, comme le dhikr. Et il y a le bien dont l'utilité se répercute sur autrui. C'est celui qu'on appelle muta'addin. Le naf'a, muta'addin. Comme al-sadaqa, comme la zakat, comme l'aumône, comme al-da'watu ila Allah, comme la prédication, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de recommander le bien, de proscrire le mal. Ici, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous dit « An Abdillah ibn Yazid, al-Khatmi, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kullu ma'roufin sadaqa. » Le prophète alayhi sallallahu wa sallam nous dit, sur Abdullah ibn Yazid al-Khatmi, « Tout bien est une aumône. Tout bien est une aumône. » On voit à travers ce hadith du prophète alayhi salat wa salam, na'am, la généralité de son propos, na'am, et parmi le bien, na'am, la bonne parole. Parmi le bien, la bonne parole. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith sous ce chapitre pour sa généralité. Ainsi, celui qui prononce du bien, pour lui-même ou pour autrui, c'est une aumône pour sa personne et pour les autres. Pour sa personne et pour les autres. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. Ou avant cela, عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء يقول اذهبوا بي إلى فلانة إن كان الصديقة خديجة اذهبوا به إلى بيت فلانة فَإِنَّا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِيجَ radiyallahu anha. D'après Anas radiyallahu anhu, lorsqu'on amenait quelque chose au prophète alayhi salatu wassalam, il disait: allez avec ceci chez une telle, c'est une amie de Khadija. Allez avec ceci chez une telle, c'était quelqu'un qui aimait Khadija. Dans ce hadith, il y a la valeur de la mère des croyants, la première mère des croyants, Khadijatu bintu Khuwaylid, radiallahu anha, la mère de l'ensemble de ses enfants, excepté Ibrahim. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a mentionné sa valeur, et jamais des ahadiths sur le mérite d'une personne est venu comme ils sont venus sur Khadija, radiallahu anha, la première des croyantes au monde dans cette religion. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait qu'il liait les liens avec ceux qui liaient les liens avec Khadija radiallahu anha de son vivant et l'aimait. On voit ici la grande valeur de Khadija, du fait que le prophète alayhi salatu wa sallam, même après sa mort, était bienfaisant envers ceux qui avaient un lien ou aimaient Khadija radiallahu anha. Et l'auteur a mentionné ce hadith sous ce chapitre car il y a ici une bonne parole. Naam, il y a ici une bonne parole. Ainsi, tu peux faire du bien et tu peux maza entrer dans ces hasanat et l'aumône en disant du bien. Si tu dis à tes enfants, allez donner tel fruit, tel légume, telle boisson à telle personne. Naam, c'était un ami de votre grand-père, c'était une amie de votre grand-mère. Ou donner telle chose aux voisins, car les voisins ont un droit très grand en islam. Et toute autre parole qui sème les graines de la bonne éducation et des nobles caractères. Puis l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit عن حذيفة رضي الله عنه قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. Le troisième hadith selon حذيفة رضي الله عنه, votre prophète صلى الله عليه وسلم a dit tout bien est une aumône. Dans ce hadith qui pourtant a été mentionné auparavant, l'imam al-Bukhari le réitère, na'am, car il y a une particularité. C'est que Hudhayfa radiallahu anhu, avant de transmettre le hadith, s'est adressé aux gens en leur disant, « Qala nabiyyukum, votre prophète a dit. » Et cette parole a pour but d'immensifier ce qui va suivre dans le cœur de l'interlocuteur. Ça a pour but d'immensifier la valeur de celui qui a prononcé les paroles à venir, mais également de la parole elle-même à venir. C'est comme si il avait dit aux personnes présentes, la parole que je vais vous prononcer est la parole de votre prophète, celui qui a été élu et choisi par Allah pour venir vous voir, celui qui a été élu et choisi par Allah pour être prophète et messager envoyé à vous. Donc soyez tout juif face à ce qui va vous être mentionné. Ainsi, toute parole que tu prononces à la recherche du bien, dépourvue de mal, c'est une aumône. C'est une aumône. Et toute action que tu fais à la recherche du bien, dépourvu de tout mal, est également une aumône. Est également une aumône. Par exemple, tu vois une personne qui recherche la science ou qui assiste au cours. Tu dis, Masha Allah, Allahumma barik. Tu es sur le chemin du paradis en étant sur le chemin de la science, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et tu pars. Tu vois cette courte parole, tu entres avec dans ce hadith. Kullu ma'rufin sadaqa. Toute bonne chose est une aumône. Parce qu'ici, tu l'as encouragé. Tu l'as raffermi sur le chemin de la vérité. Ou tu vois une personne bienfaisante envers ses parents. Tu lui dis, Masha'Allah, tu es en train d'ouvrir de grandes portes vers le paradis. Qu'Allah te rajoute, et ainsi de suite. Tu vois une personne faire un bien, tu l'encourages dans ce bien. Ceci est un chemin du bien et c'est une aumône. Wa billahi tawfiq. Le chapitre suivant, où j'ai repris une partie de ce que nous avions déjà lu et ajouté. Le chapitre suivant, Babu al-Khuroudi, إلى المقبلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. Le chapitre suivant, chapitre, aller au champ et porter sur son épaule quelque chose dans un panier pour l'apporter à sa famille. Aller au champ et porter sur son épaule quelque chose dans un panier pour l'apporter à sa famille. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous mentionne ce hadith pour montrer que fait partie du bien, fait partie des nobles caractères, le fait de travailler. Le fait de travailler et d'être actif. Il s'agit ici de travailler au champ, à la recherche de sa subsistance, pour se nourrir nous et nourrir nos familles et tous ceux qui sont sous notre responsabilité. Et avec cette humilité, à travers certains travaux qui peuvent être difficiles, lourds, fatigants, la personne se voit récompensée pour son travail. Car il travaille pour se mettre à l'abri du besoin, ne pas tendre la main. Il travaille pour mettre à l'abri du besoin ceux qui sont sous sa responsabilité. Il a une récompense pour tout être qui se nourrira du fruit de sa main. S'il travaille la terre, il travaille au champ, il y a des graines, il y a des cultures, il y a des fruits, peut-être, éventuellement. Ben, sachez que même l'oiseau, même le coq, la poule qui viendra picorer et se nourrir de ces cultures, il s'en verra pour cela récompensé. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous mentionne le long hadith an Amr ibn Abi Qurra al-Kindi rahimahullah qala arada abi ala salmana ukhtah فأبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء فأتاه يطلبه فأخبر أنه في مقبلة له فتوجه إليه فلقيه ومعه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل في عروة الزبيل. Amr ibn Abi Qurra al-Kindi a dit: mon père présenta, ou plutôt mon père proposa. Donc son père, c'est Abu Qurra. Son père est Abu Qurra. Et celui qui raconte cela est son fils, Amr. Donc Amr raconte que son père Abu Qurra a proposé sa sœur, donc la sœur de son père, sa tante, sa sœur en mariage à Salman. Il s'agit ici de Salman el-Farisi. Il s'agit ici de Salman el-Farisi. Mais Salman refusa. Et il se maria à une de ses affranchies qui s'appelait Buqayra. Ensuite, un différend entre Hudhayfa et Salman parvint aux oreilles d'Abu Qurra. Il le chercha et on l'informa qu'il était dans un de ses champs. Et il s'y rendit et le rencontra. Il avait un panier de légumes dans lequel il avait introduit son bâton dans l'anse. Et il le portait sur son épaule. Et c'est la partie témoin dans le hadith. C'est pour cette partie que l'auteur a mentionné ce long hadith. Car on voit ici que Salman, radiallahu anhu, travaillait au champ. On voit ici que Salman, radiallahu anhu, travaillait au champ. Et il avait un panier qu'il portait sur son épaule, na'am, radiallahu anhu. Et la suite du hadith, Ya Aba Abdillah, ô père de Abdullah, c'est la kunya de Salman al-Farisi, ma kana baynaka wa bayna Hudhayfa, qal, yaqulu Salman, wa kana l'insanu ajula, fantalaqa hatta ataya dara Salman. La suite du hadith, il a alors dit au Abu Abdillah, et c'est la kunya de Salman al-Farisi, qu'est-ce qu'il y a eu entre toi et Hudhayfa? C'est-à-dire comme différent, comme dispute, incompréhension. Salman répondit par le verset, et certes l'homme s'empresse. Et certes l'homme s'empresse. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit ce hadith, ce verset-là? Comme s'il lui avait dit, là je suis en train de travailler, Il te faudra patienter jusqu'à ce que je puisse t'expliquer cela. Allons chez moi. Tous deux partirent jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à la maison de Salman. فانطلق حتى يتيا دار سلمان فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم ثم أذن لأبي قرة فدخل فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات وإذا قرطات فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد أو تمهد لنفسها ثم أنشأ يحدثه فقال إن حذيفة كان يحدث بأشياء وكان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام فأوتى فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام فأتي حذيفة فقيل لهن سلمان لا يصدقك ولو يكذبك بما تقول فجاءني حذيفة فقال يا سلمان ابن أم سلمان فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر رضي الله عنه فلما خوفته بعمر وتركني وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد آدم أنا فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبه في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة. Tous deux partirent jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à la maison de Salman. Lorsque ce dernier entra, il dit « Que la paix soit sur vous ». Puis, il autorisa Abu Qurra à entrer. Il y avait au pas de la porte un tapis à la laine douce et au-dessus de sa tête, des brides séchées et des briques de maada, de terre. Il y avait aussi des chandelles ou peu de choses. Il lui a dit « Assieds-toi sur le tapis de ton maître qu'il t'a étendu ». Puis, il commença à raconter. Hudhayfa racontait des choses que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait aux gens lorsqu'il était en colère. Alors les gens me rapportèrent ces paroles. Quant à moi, je dis, Hudhayfa est plus savant de ce qu'il dit. Mais je répugne ce qu'il y avait, à ce qu'il y ait des rancœurs entre les gens. Donc on demanda à Hudhayfa de venir. Et on lui demanda. Salman ne certifie pas ce que tu dis, ni il te dément, ni il te dédie. Alors Hudhayfa vint me voir et m'a dit, « Ô Salman, fils de la mère de Salman. » Je répondis, « Ô Hudhayfa, fils de la mère de Hudhayfa, vas-tu cesser de dire ces choses ou je vais écrire à Omar à ton sujet ?» Lorsque je l'effrayais à l'évocation de Omar, il me laisse. Et Naam, il me laisse. Et je dis, certes, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Je suis des fils de Adam. Si je maudis ou insulte un serviteur, quel qu'il soit, et que cela est infondé, alors faites-en une invocation pour lui. » Expliquons ce hadith ou certaines parties de ce hadith. Ici, Qurra, un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, avait une sœur non mariée. Alors, il la proposa en mariage à Salman el-Farisi. Radiallahu anhu. Et on voit ici le caractère légiféré de proposer les femmes de sa famille à une personne dont la probité est avérée, la droiture est avérée et dont on est apaisé par la religiosité et les nobles caractères. Et on pense qu'il est convenable pour cette femme de la famille. Et pour ce faire, la personne peut mentionner les qualités de cette femme, de ses nobles caractères, de sa piété, ou ماذا de ses caractéristiques louables et prisées, na'am, et ainsi de suite, ce qui ferait communément pencher vers elle pour une demande. Mais Salman a refusé. Les savants nous disent, on voit ici, qu'il n'y a pas de mal à refuser une demande en mariage, même si ça vient d'une personne noble ou de considération, car là, c'est un sahabi, na'am, qui lui propose, et sahaba, comme vous le savez, et leurs enfants sont les meilleurs. Mais il n'y a pas de mal à refuser. Na'am. Et il ne faut pas que de la répulsion ou de l'inimitié s'installe dans le cœur de celui qui a proposé la femme de sa famille. Na'am. Il est du droit de la personne de refuser. Si madha, il n'est pas apaisé, ou si une chose l'empêche, comme une difficulté, une pauvreté, une maladie, et autres causes connues ou inconnues, où il se pense pas capable, na'am, ou pas équitable, et ainsi de suite. Il ne doit pas se voir dans la gêne, car en se forçant, peut-être qu'il va commettre un mal plus grand que le refus. Aussi, il a été précédé par meilleur que lui dans cet agissement. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a proposé sa fille Hafsa radiallahu anha à Abu Bakr. Mais Abu Bakr radiallahu anhu refusa. Puis il la proposa à Othman radiallahu anhu. Mais Othman également refusa. Et cela toucha Omar plus. Il fut plus touché du refus de Othman que du refus de Abu Bakr. Na'am. Mais en réalité, la cause de leur refus fut que ils avaient entendu le prophète alayhi salatu wasalam la mentionner. Donc ils pensaient la demander en mariage et l'épouser. Alors eux se sont contentés de refuser sans dévoiler le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sans mentionner d'excuses. C'est cela qui toucha Omar radiallahu anhu. Ainsi, et les savants disent qu'il se peut que la personne refuse et il a une excuse qui n'est pas sue auprès de la personne qui proposa. Donc si tu ne sais pas, dis-toi qu'il a une excuse que tu ignores. Et ce rôle, na'am, du père, de l'oncle, du grand-père, du frère, et ainsi de suite, a beaucoup été délaissé et abandonné à notre époque. Et des plaintes se font entendre de la part de certaines femmes, pieuses, de certaines femmes, madha, vertueuses, qui n'ont pas pour habitude de beaucoup sortir, de beaucoup se mélanger. Ainsi, on n'a peut-être pas connaissance de leur présence, de leur piété. Alors, elles grandissent dans des demeures jusqu'à dépasser la vingtaine, puis dépasser la trentaine, puis peut-être dépasser la quarantaine, sans qu'on ne sache qu'elle n'est pas mariée, sans qu'on ne sache qu'elle souhaite fonder, elle aussi, et c'est son droit, son foyer. Na'am. Et si l'homme et les hommes de sa famille, ses maharim, ne prennent pas cette responsabilité, qui est-ce qui va la prendre? Elle va passer par une amie à elle. Et c'est les hommes de cette autre famille qui vont prendre cette responsabilité. Alors qu'ils n'ont pas les détails que ses proches ont, alors qu'ils n'ont pas la même considération que ses proches ont, et ainsi de suite. Donc, il convient aux responsables des femmes de prendre cette responsabilité afin que l'occasion, que les occasions ne lui passent pas sous le nez à cause d'eux. Plus loin dans le hadith, on nous dit donc que Salman refusa, puis il se maria à une de ses affranchies qui se nomme Buqayra. Et c'est la dernière de ses épouses et celle qui a été témoin de son décès. Elle est restée avec lui jusqu'à sa mort, radiallahu عنه. أبو قرة entendit que Hudhayfa et Salman radiallahu anhuma s'étaient disputés ou avaient un différend. Alors, il se mit à la recherche de Salman et on l'informa que Salman était au champ. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à chercher Salman? Pour la réconciliation, pour mettre fin à la dispute, à l'éloignement des cœurs, peut-être comme des corps, pour lier entre les deux et faire en sorte qu'ils concrétisent la fraternité, éloigner al-Shaytan, les rapprocher de Ar-Rahman, na'am, pour leur faire un rappel. Pour leur faire un rappel. Et souvenez-vous du début du hadith, Abu Qurra a proposé sa sœur à Salman et Salman l'a refusé. Mais l'âme des compagnons était bien au-dessus de la rancœur et de la haine entre eux ou de délaisser un bien à cause d'un mal précédent ou d'une douleur précédente. Non, cela ne l'a pas empêché de chercher à faire le bien entre ses frères. Alors que il se peut que l'un d'entre nous, par faiblesse de foi, on se dise « Lui, il ne m'a pas considéré ou il n'a pas considéré ma famille ?» Mais moi, je vais aller le voir pour lui faire du bien. Non. Non, les compagnons étaient au-dessus de tout cela. Ils étaient au-dessus de tout cela. On nous dit dans le hadith, il s'y rendit et le rencontra. Et ici, on voit la motivation et la haute détermination des compagnons à faire le bien. Car il ne s'est pas découragé. Il ne l'a pas trouvé. Ah, c'est bon, j'ai fait mon devoir, je pars. Non. Je vais continuer, je vais faire des efforts jusqu'à le trouver et concrétiser ma hasana. Ma bonne œuvre. On voit ainsi l'encouragement à l'endurance lorsqu'on veut faire le bien, à ne pas faiblir, à ne pas se décourager, à ne pas abandonner. À ne pas abandonner. Il s'y rendit, il le rencontra. Il avait un panier de légumes dans lequel il avait introduit son bâton dans l'anse et il le portait sur son épaule. Il dit alors, « Ô Abu Abdillah, qu'est-ce qu'il y a eu entre toi et Hudhayfa ?» Et on voit ici que lorsque tu viens pour une sagesse, pour un but, tu ne t'éparpilles pas dans un premier temps. Tu viens et tu concrétises ce pourquoi tu es venu. Et s'il y a une nécessité par la suite, tu peux discuter d'autre chose. Et ça nous rappelle le hadith du prophète, lorsque les compagnons lui ont demandé de venir prier chez eux, car ils habitaient dans un endroit où il y avait des dissensions entre eux et un autre peuple, et ils ne pouvaient venir que pendant les mois sacrés. Ils ont demandé au prophète Salem de venir présider la prière chez eux. Ils sont venus, et il leur est venu, et la première chose qu'il leur a dit, où aimeriez-vous que j'accomplisse la prière? Directement, il est venu pour salat, il fait salat. Et ensuite, il a fait une assise, il a discuté, il a accueilli. Donc lorsque tu viens pour un but, ne te disperse pas, ne t'éparpille pas. Concrétise ton but, la sagesse de ta venue, et ensuite, tu peux t'adonner à autre chose. Tu risques de perdre des forces, de la concentration, de la préparation que tu avais observée, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un comportement des sahaba qui a été pris du prophète alayhi salatu wassalam. Cependant, Salman lui a répondu et certes l'homme s'empresse. Ici, j'attire votre attention sur une chose. Il est venu et lui a dit, quel est le problème entre vous? De quelle sorte de question s'agit-il ici? Est-ce que c'est pour faire du commérage? Est-ce que c'est pour juste s'informer et transmettre? Est-ce que c'est pour entrer dans Qil wa Qal et on dit? Non, loin de nous cette idée à l'égard des compagnons. Lorsqu'il pose la question, c'est pour savoir la cause, pour savoir la base et pour les réconcilier. Donc il a besoin d'informations, savoir par quelle porte il va entrer, savoir qui éventuellement peut avoir eu une mauvaise compréhension, et ainsi de suite. Donc, si la question est posée avec une bonne intention, c'est louable. C'est louable, car ici, il veut réconcilier. Quant à ceux qui veulent juste avoir des informations, puis appeler une autre personne, transmettre les informations et rentrer dans ce qui ne les concerne pas, ceci est une chose blâmable. Naam, ceci est une chose blâmable. Salman lui a mentionné le verset pour l'appeler à l'endurance et lui dire d'attendre, car là, il est dans une activité qui n'est pas un moment, qui ne le dispose pas à convenablement s'entretenir avec lui. Puis, tous deux partirent jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à la maison de Salman. Regardez le comportement lorsque tu es invité chez une personne. Salman est rentré chez lui. D'accord ? Salman est rentré chez lui. Mais, Abu Qurra, Naam, quant à lui, Abu Qurra est resté à la porte. Il est resté à la porte jusqu'à ce qu'on lui donne la permission d'entrer. Il y a le comportement lorsque toi, tu entres chez toi. Quel est le comportement? On voit que Salman est rentré et a dit « Assalamu alaikum ». Voici le comportement lorsque tu rentres chez toi. Naam, parmi les comportements qu'on nous enseigne, tu dis « Bismillah », tu dis « Assalamu alaikum ». Ou tu ajoutes à cela. Et sachez que le prophète, alayhi salatu wa salam, en parlant du salam, lorsqu'on entre chez soi, il a dit فَأَمَاذَا هِيَ بَرَكَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ. C'est une bénédiction sur ta personne et sur les gens de ta famille. Donc le fait de passer le salam en rentrant chez soi, c'est une cause de baraka sur toi et sur ta famille. Ainsi, certains savants ont mis dans les causes de richesse et d'augmentation de la subsistance, subhanallah, le fait de passer le salam à chaque fois que tu rentres chez toi. Le fait de passer le salam et se faire entendre à chaque fois que tu rentre chez toi. Quant au deuxième comportement, c'est le comportement de al-isti'dhan, le fait de demander la permission. Abu Qurra est venu et n'est pas resté face à la porte, comme celui qui n'a pas reçu cette éducation peut faire et souhaiter entrer directement. Non, tu te mets en retrait. Tu ne restes pas face à la porte. Tu te mets sur le côté, même lorsque tu frappes ou sonnes chez une personne. Le comportement, tu sonnes et tu te mets sur le côté. Puis on va te dire qui est-ce, tu réponds ton prénom. Naam. Et tu ne te mets pas face à la porte. Car si on ouvre, peut-être que tu verras une chose qui n'était pas convenable de voir. Ça, c'est le bon comportement. On doit l'apprendre, l'appliquer et le transmettre. On doit l'apprendre, l'appliquer et le transmettre. Donc, Abu Qurra a attendu, qu'on lui donne la permission d'entrer. C'est ce qu'on appelle Adhabu al-Isti'dhan. Puis, il décrit ce qu'il a vu en entrant. Naam, il décrit ce qu'il a vu en entrant. La base, lorsque tu entres chez une personne, tu n'observes pas trop. Tu attends qu'on te dise où t'asseoir. Tu t'assieds. Naam. Mais il n'y a pas de mal pour une sagesse à observer une chose particulière et à relater un fait particulier pour une sagesse que tu sais. Sinon, là-bas, tu ne racontes pas comment est-ce que c'est chez les gens, comme ça peut être fait entre femmes. Une femme invite sa sœur fille-là, elle regarde toute sa décoration, et lorsqu'elle sort, elle raconte, c'est comme ceci, et c'est comme cela, et c'est comme ceci, et c'est comme cela, et peut-être même qu'elle la copiera dans sa décoration, et s'appropriera Mada, le mérite. Non, celle-ci n'est pas convenable de raconter c'est comme ceci, c'est comme cela, que ce soit un bien ou que ce soit un mal. Revenons au hadith. Ici, Abu Qurra est parti trouver Salman, il ne l'a pas trouvé. Deuxième étape, il est parti au champ, il l'a trouvé. Troisième étape, on lui demande de patienter, de ne pas parler maintenant, il endure, il patiente. Quatrième étape, on le ramène chez Salman, il vient et il attend devant la porte. Voyez-vous la motivation d'Abu Qurra pour faire la réconciliation entre ses frères? Ça, c'est le comportement de Sahaba et la connaissance de la fraternité chez Sahaba et la valeur du frère chez Sahaba et la gravité de la dissension et de la division chez Sahaba et la valeur de l'unité, de la réconciliation de la fraternité chez As-Sahaba, radiallahu anhum. Tout ce temps-là pour faire le bien. Allah nous dit dans le Coran, « La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahin bayna an-nas. » Il n'y a pas de bien dans vos discussions, si ce n'est la personne qui ordonne une aumône, un bien ou une réconciliation entre les gens. Une réconciliation entre les gens. Et lisez les hadiths à ce sujet. Vous verrez la grande valeur et la grande récompense d'Allah Azza wa Jal pour celui qui fait ça. Après qu'il lui passé le salam, après qu'on lui on ait permis à Bukhara d'entrer, il a vu à l'entrée comme un rideau, comme un tapis, un grand tapis, Naam, qui faisait comme office de porte en réalité. Et il y avait comme des briques dessus pour que cela ne tombe pas. Je ne sais pas si vous visualisez. Voyez-vous votre porte d'entrée avec la clé, avec le bois ou le fer ou... Non. Ce n'était pas cela chez Salman et chez les Sahaba radiallahu anhu. Un simple voilage, un simple tapis, une simple couverture. Et pour qu'elle ne tombe pas, on met quelque chose de lourd. Naam, on met quelque chose de lourd. Mada, au-dessus. Naam, à sa base. Donc comprenez que ce tapis-là, que ce voilage-là, que cette couverture-là, c'était ce qui faisait office de porte. Allahu Akbar. On est chez qui? On est chez Salman al-Farisi. Un noble compagnon, un bien-aimé d'Allah Azza wa Jal. Celui qui a été guidé et qui est devenu le rapproché, le bien-aimé du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'avait pas de porte comme nous avons nous. Mais il avait quoi? Il avait un simple rideau qui était tenu par des briques de terre, une chose qui pesait dessus pour que le rideau ne tombe pas et protège l'intimité. Et protège l'intimité dans cette famille. Et là, tu vois la modestie des compagnons. La modestie des compagnons. Et comme le disent les savants, ils avaient peu, ils possédaient peu, mais ils avaient beaucoup de reconnaissance envers Allah. Et nous, nous possédons beaucoup et nous avons peu de reconnaissance envers les bienfaits d'Allah. Subhanallah, qui a déjà regardé sa porte et s'est dit, « Wallahi, c'est un bienfait colossal de la part d'Allah. Il y a une porte, je suis couvert chez moi. » Je suis mastour, on ne me voit pas, on ne voit pas ma famille. Je suis protégé du vent, je suis protégé de, subhanallah, de la vue des étrangers. Qui s'est rappelé un jour ce bienfait et a dit alhamdulillah, Allahumma lak alhamd, pour ce grand bienfait. Et sans toi, je n'aurais pu jouir de ce bienfait. Qui se rappelle les bienfaits d'Allah Azza wa Jal à ce niveau-là? Naam. Ensuite, sur quoi est-ce qu'il s'est assis? Qu'avons-nous trouvé au sol? Naam, on nous dit dans le hadith, qurtat, yani, on a trouvé dans la pièce très peu de choses. Naam, ou un simple tapis, comme ce qu'on mettrait sur le dos d'une monture pour s'asseoir dessus. Naam, et c'est cela en guise de fauteuil. Allahu Akbar. Cela en guise de fauteuil. Et allez, un simple tissu sur le sol. Il n'y avait pas de moquette. Il n'y avait pas ces choses-là. Naam. Il n'y avait pas de moquette. Il n'y avait pas ces choses-là. Donc, il entre. Et cela, à nouveau, nous montre la modestie des compagnons. Cela, à nouveau, nous montre quoi? La modestie des compagnons. Est-ce qu'une personne de nos jours oserait inviter les plus hautes personnalités, les gens les plus nobles? Car là, il s'agit de ramener chez soi un sahabi. Est-ce que nous, on oserait inviter les plus grands invités de marque, les plus grands invités de marque, chez nous, alors qu'on n'a même pas une chaise à lui proposer? il n'y a même pas de porte, et on le fait s'asseoir à même le sol, et on lui donne un simple tapis. Wallahi, sahaba n'avait que faire de ce bas-monde. Allahu Akbar. Il n'accordait aucune importance à ce bas-monde. Alors qu'on voit qu'ils travaillaient, cherchaient leur subsistance, ils se nourrissaient, nourrissaient leurs proches. Mais la dunya, si elle est-elle, était dans leurs mains, elle n'était pas dans leur cœur. Et certains ont la dunya, n'ont même pas de dunya dans la main, mais elle a pris toute la part du cœur. Elle a pris toute la part du cœur. Wal-iyadu billah. Qu'Allah soigne nos maladies du cœur. Puis, on nous dit que Salman a proposé donc à Mada, à Abu Qurra, de prendre place. Naam, de prendre place. Et ils ont commencé à parler. Vous avez vu tout le temps qui s'est passé avant qu'ils entrent dans le sujet, et tout ce temps-là, Abu Qurra s'est montré endurant. Il s'est montré endurant. Dans cela, il y a une grande leçon. C'est que les pieux prédécesseurs ne se pressaient pas. Dans le sens, ils n'étaient pas impatients. Ils s'empressaient de faire le bien, mais ils n'étaient pas impatients. Une autre personne aurait pu lui dire, « Subhanallah, je viens pour ton bien. Je viens pour toi, tu me fais poireauter tout ce temps-là. Alors je pars. » Il est orgueilleux. Il ne donne pas d'importance aux autres. Il pense qu'à lui. Et ce genre de paroles. Non, Abu Qurra sait pourquoi il est venu. Il est venu pour l'islah. Il est venu pour... Il cherche Allah. Il cherche la demeure de l'au-delà. Donc il endure. Il endure. Et parmi ce qu'on apprend, dès qu'on commence à étudier la science, thalathatul usul. Et au début du livre, thalathatul usul, dans la première introduction, qu'est-ce que tu trouves ? Na'am, ya'lam rahimakallah. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Qu'il nous incombe à tous de connaître quatre grandes choses. Quelle est la première ? La science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète, sallam, la connaissance de l'islam. La deuxième, c'est quoi ? C'est la mise en pratique. La troisième, c'est la prédication. Et la quatrième, tu fais da'wah, tu viens donner le message, tu viens appeler au bien. Tu dois te montrer endurant face aux répercussions. Abu Qurra a appliqué cela. Il a appliqué cela. Puis, Salman a commencé à raconter. En lui disant, Hudhayfa racontait des choses que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disait aux gens lorsqu'il était en colère. Naam. Alors les gens me rapportèrent ses paroles. Quant à moi, je dis, Hudhayfa est plus savant de ce qu'il dit. Comprenez le sens du hadith. Des gens venaient voir Salman et lui disaient, Hudhayfa raconte que le prophète sallam dit ceci et cela. C'est-à-dire quand il était en colère, il parlait aux gens, il invoquait peut-être Allah contre eux. Mais Salman a réprouvé cela. Salman n'était pas d'accord et considérait que ça n'était pas sage de mentionner de manière générale des hadiths aux gens, alors que le prophète les a mentionnés que d'une manière spécifique, dans un contexte spécifique. C'est quand il était en colère contre des gens. Hudhayfa, c'était son avis qu'il racontait ses hadiths. Et Salman, lui, son avis était de ne pas mentionner ses hadiths, car ça n'était pas la plus grande sagesse. Voici la cause de la divergence entre les deux. Salman dit que les gens venaient le voir et lui racontaient ses hadiths. Que répondait Salman aux gens qui venaient le voir ? Comme ça peut être le cas, des gens vont voir un premier savant, puis ils vont voir un second. Naam, chacun avec son intention et Allah jugera l'ensemble. Salman dit que lui répondait aux gens, « Hudhayfa a dit cela, il est plus savant de ce qu'il dit. » Il n'a pas parlé en mal de Hudhayfa radiallahu anhu, mais il lui a laissé la responsabilité de ses propos. Il lui a laissé la responsabilité de ses propos. Et ici, Salman a uni entre la sagesse et le fait de mentionner en bien son frère. Il y a plusieurs manières de dire ce qu'il a dit. Mais lui a appliqué la parole d'Allah, et dis à mes serviteurs de dire ce qu'il y a de meilleur. Exprime-toi de la meilleure façon. Ça éloignera le shaitan entre toi et tes frères. Comme Allah Azza wa Jal mentionne dans la suite du verset, Inna shaitan yanziru baynahum. Certes, le diable sème la zizanie entre eux. Alors, Salman, lui, réprouvait cela. Naam, de peur que ça ne mette des choses dans le cœur des gens entre eux. Alors il est parti voir Hudhayfa. Donc l'homme qui a dit à Salman, Hudhayfa dit ceci et cela, Hudhayfa lui a répondu. Salman lui a répondu, ça c'est les paroles de Hudhayfa, il est plus savant de ce qu'il dit. Cet homme-là a pris cette parole et il est retourné voir Hudhayfa. Subhanallah. Et il lui a dit, Salman ne dit pas que tu dis que tu as raison, ni il te dédie, il te dément. D'accord? Dans ce que tu dis. Et vous remarquerez que l'homme qui a transmis la parole, il n'a pas transmis exactement les termes de Salman. Et certains ont une grande ferveur et motivation à aller d'une personne à une autre pour répéter. Mais le problème, c'est que souvent, ils dénaturent les propos ou les sortent du contexte ou les racontent mal et ça sème la zizanie entre les gens ensuite. Ça sème la zizanie entre les gens par la suite. Donc celui qui écoute, s'il veut rapporter, s'il y a une sagesse à rapporter, il faut le faire avec sagesse et il faut coller au terme ou dire, il a dit une chose ou dans ce sens-là. Je ne me souviens plus des propos exacts, il faut vérifier. Je vérifie et ensuite je te transmets. Par la suite, ou plutôt de ce passage-là, on voit la valeur de Salman auprès des pieux prédécesseurs. Du fait qu'ils sont revenus à lui, ça montre que Salman faisait partie des fuqaha et faisait partie des savants parmi As-Sahaba. Parmi As-Sahaba. Et pourtant, Salman a répondu, il a dit, cela, il est plus savant de ce qu'il dit. Contrairement à certains ignorants, certains mal éduqués, qui lorsque tu leur apportes la parole des grands savants de l'islam ou des contemporains, ils te disent cette parole-là, elle est bâtée. Cette parole-là, elle est fausse, on la jette contre le mur. Cette parole, elle contredit ça et, subhanallah, aucun respect pour la parole des ulama. Ils ne savent pas comment se comporter. Comment est-ce qu'on reprend la parole d'un savant en disant, il a dit ça, rahimahullah, c'est son effort. Et c'est là où l'a amené son effort de réflexion. Cependant, on a entendu de Shir Intel, lorsqu'il a expliqué cette question, il a apporté ceci et cela, wallahu a'lam. Par exemple, tu fais des dua pour le Shir, tu mentionnes la parole du Shir, ou tu dis, mais c'est mieux, peut-être revenons au Shir Intel, parce qu'il a détaillé cette question une fois. Mais tu respectes et tu valorises la parole des ulama. Mais certains ne font même pas partie des gens de science, et ils méprisent et ils rejettent, sans comportement, la parole des savants. Non pas que les savants sont infaillibles, on comprend tout ce qu'ils disent, mais il y a un comportement adopté face à leurs paroles. Et il faut faire attention lorsque tu transmets la parole d'une personne à une autre, d'un shir à un autre, à ne pas entrer dans le hadith « La yadkhulul jannata man qattat » Celui qui sème la zizanie entre les groupes n'entrera pas au paradis. « Namman » c'est celui qui prend la parole d'un groupe ou d'une personne et va la répéter à un autre groupe ou à une autre personne avec l'intention de semer la zizanie entre eux, avec l'intention de semer le mal, de les diviser. Ceci est un péché gravissime. Hudhayfa a donc été touché par cette parole. Il s'est rendu auprès de Salman et il lui a dit, « Ô Salman, fils de la mère de Salman, allez, parce qu'il était énervé. » Alors Salman lui a répondu, pareillement, « Ô Hudhayfa, fils de la mère de Hudhayfa. » Naam, il lui a répondu, « Ô Hudhayfa, fils de la mère de Hudhayfa. » Puis il lui a dit, « Tu vas cesser de dire ces choses ou je vais écrire à Omar à ton sujet. » Lorsque je l'effrayai à l'évocation de Omar, il me laissa. Par la suite, il a couronné ce noble comportement et ce noble caractère en lui mentionnant un hadith du prophète alayhi salat wa salam. Quand il lui a dit « Tu vas arrêter ou je vais informer Omar », c'est-à-dire tu vas arrêter de mentionner des hadiths aux gens alors que le prophète les a mentionnés dans un contexte particulier et alors qu'il était en colère, de peur que les gens aient une mauvaise compréhension et que ça sème un mal entre eux. Sinon, je vais écrire à Omar, qui était le gouverneur à cette époque, afin qu'il te reprenne. Alors, il a mentionné un hadith. Naam, il a mentionné un hadith qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça c'est pour expliquer que quand le prophète a fait doua contre des gens ou leur a adressé certaines paroles en colère, il y a une explication et il y a une bonne finalité. Le prophète sallam a dit, je suis des fils de Adam. Comme Allah dit dans le Coran, qul innama ana basharun mithlukum, dit, c'est-à-dire au messager Allah, je ne suis qu'un être humain comme vous. Si j'ai maudit ou insulté un serviteur, quel qu'il soit, sans qu'il ne soit en droit de recevoir cela, sans qu'il ne soit en droit de recevoir cela, alors qu'il. Je pense que c'est la traduction adéquate. Oh Allah, fais que ce soit pour lui une invocation. C'est-à-dire que lorsque le prophète a fait doua contre une personne, alors juste parce qu'il était en colère, alors sachez que c'est pour lui une doua. C'est pour lui une bonne chose. C'est pour lui une doua. Et dans une autre version, ou dans un autre hadith, je fais partie des fils d'Adam. Je m'énerve comme les autres m'énervent. Je peux me mettre en colère comme les autres peuvent se mettre en colère. Et dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Umm Sulaym radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc pour toutes ces paroles-là prononcées en colère, où Allah fait que ce soit une purification et un rapprochement pour eux vers toi, le jour de la résurrection. Ainsi, les savants, subhanallah, ont mentionné parmi les qualités et le mérite de certains compagnons, le fait que le prophète ait fait doua contre eux quand il était en colère. Naam. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une orpheline qui avait grandi, qui était sous la responsabilité de Umm Sulaym. Umm Sulaym radiallahu anha s'occupait d'une orpheline. Et le prophète, c'est comme s'il l'avait vue petite et il lui a dit, tu as bien grandi, que tes dents ne grandissent pas. Alors la fille est partie, elle a pleuré. Ou Mousselem est venu voir le prophète, il dit, ah, là, tu as fait doua contre elle. Alors elle pleure, elle dit, mes dents ne vont jamais grandir. Allahu Akbar. Tellement il savait que le prophète ne disait que la vérité. Et le prophète lui a dit, toute parole que je prononce, comme doua, invocation et paroles du genre contre une personne de ma communauté, alors que ça n'était pas son endroit, Allah en fera, ou qu'Allah en fasse une purification et un rapprochement de lui le jour de la résurrection. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Muawiya radiallahu anhu, l'oncle des croyants, Khalul Mu'minin, Maza, la ashba'a Allahu batnak, qu'Allah fasse en sorte que ton ventre ne soit jamais rassasié. Ben, subhanallah, les savants l'ont mis dans les qualités de Muawiya, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, ce genre de hadith, lorsque tu les mentionnes, il faut les mettre dans leur contexte. Et il faut dire que c'est une purification pour ces compagnons-là. Et c'est même une qualité qui leur est reconnue dans le livre Madha des ulama. L'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, fi sunanih, dans le chapitre de. Dans Kitab al-Sunnah, dans le chapitre An-Nahyu an Sabbi Sahaba, chapitre L'interdiction d'insulter Sahaba, il a mis ce hadith. Ce hadith qu'on vient de réciter. Barakallahu fikum. On s'arrête sur cela et on reprend Mada la semaine prochaine, Inch'Allahu ta'ala. Wallahu a'lam. Wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وللأحياء منهم وللأموات. Et je saisis cette occasion pour invoquer en faveur de notre frère Youssouf. Youssouf est un frère qu'on a rencontré au Yémen dans le marquez de Cheikh Mukbila rahimahullah ta'ala, qui nous avait précédé dans l'étude de la science, précédé dans la hijra. Il nous a précédé dans de nombreuses bonnes œuvres. C'est un étudiant émérité, sérieux et assidu. Je le voyais régulièrement. Naam. Et Maaza, il assistait au cours. Il assistait au cours et dans certains cours, on était dans la même assise, notamment les cours de Tawhid, cours de Aqidah. Jazahullahu khayra. Et je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu manquer de cours. Naam. Ceux dans lesquels nous étions ensemble. Et je n'ai pas le souvenir de l'avoir croisé sans qu'il ne sourie. Subhanallah. Sans qu'il ne me sourie en passant le salam. Rahimahullahu ta'ala. Et il avait de nobles caractères et sa piété était apparente. Nahsabu kadhalik wallahu hasibu. Il a été éprouvé. Naam. Et aussi il faisait da'wah. Et remplacé pour le khutbah, il faisait des durus. Jazahullahu khayra. Et Maadha, il a été éprouvé par la maladie, naam, jusqu'à perdre l'usage de la parole, et on communiquait par message, naam. Puis il a été atteint du côté cérébral, et lui arrivait de tomber, pour au final, après peut-être près de 2 années, si mes souvenirs sont bons, décéder. Il est décédé il y a peu, rahimahullah ta'ala, et il laisse derrière lui 6 filles, il laisse derrière lui 6 filles, on espère qu'elles seront pour lui, comme dans le hadith du prophète alayhi salat wa salam, celui qui a eu 3 filles, naam, qui les a éduquées, préservées, elles seront pour lui une protection, un rempart contre le feu de l'enfer, il en a laissé 6, Allahu Akbar, il a laissé une veuve et 6 filles, qu'Allah Azza wa Jal les préserve, qu'Allah Azza wa Jal leur accorde le bien, la guider, et qu'il multiplie leur subsistance, naam, et certes la piété des parents en effet, sur les enfants. La piété des parents, en effet, sur les enfants. Et, incha'Allah ta'ala, on va les aider. Et certains les aident déjà, qu'Allah les récompense. Naam. Et bi'idhnillah azza wa jal, on va chercher quelques personnes qui veulent mettre en pratique le hadith du prophète, alayhi salat wa salam, qui dit, ana wa kafilul yatim kahatayn. Moi et celui qui prend soin de l'orphelin, nous serons un comme ces deux. Ces deux-là, c'est-à-dire l'index et le majeur. C'est-à-dire ils seront proches comme cela au paradis. Naam. Et le hadith du prophète sallam, moi et celui qui s'enquiert des besoins de l'orphelin, de la veuve, as-sa'il al-armala. Naam, celui qui fait les efforts pour s'occuper de la veuve et de l'orphelin, naam, sera avec moi au paradis comme ces deux doigts-là. Donc Allah récompense tous ceux qui viendront à nous pour aider Naam, cette famille. Ils habitent à La Courneuve. Ils habitent à La Courneuve. Et Alhamdulillah, ils vont bien. Naam, ils ne se plaignent de rien et ne demandent rien. Naam, ils ne demandent rien. Au contraire, ils ont du mal à accepter l'aide qui leur revient de droit. Le deuxième, Maaza, et donc celui qui souhaite aider, il peut envoyer un mail sur le site. Le deuxième point, c'est pour faire des duas également pour notre frère et sa famille, Habib, un frère de Mecca qui lui-même également était au Yémen. Naam, il est installé à Mecca. C'est un frère dont j'ai été subjugué et impressionné, Allahumma barik, par son endurance. Il a été touché, lui ainsi que sa famille, par une très lourde épreuve. Naam, par une très lourde épreuve. Wallahu alimun hakim, fa'alun lima yurid. Et Allah est savant et sage. Il fait ce qu'il veut. On ne l'interroge pas sur ce qu'il fait. Et c'est nous qui sommes interrogés. Son épouse, en traversant la route avec son enfant, Ahmed, de 7 ans, Naam, se sont fait renverser par une voiture. Naam, se sont fait renverser par une voiture il y a de cela quelques semaines. Et Maaza, l'épouse, a donc été touchée. Je vous passe certains détails. Elle a été hospitalisée. Quant à l'enfant, il a également été hospitalisé, mais au bout de quelques jours, il est décédé. Il est décédé. On a donc vu un élan de solidarité, de fraternité autour de ce frère, Naam, et Allah Azzawajal nous a permis de le visiter. Et lorsque je l'ai visité avec mon fidèle ami Ali, wafaqahullah, j'avais préparé quelques paroles. Et je lui ai dit, vu qu'il est pleinement dans son rôle de prêcheur, et mieux placé que moi, plus proche de lui, plus savant que moi, plus ancien dans la recherche de la science, il a plus étudié que moi, je lui ai dit, tu prendras la parole et tu feras un rappel. Il m'a dit, non, toi, et ainsi de suite. En arrivant, j'ai trouvé un frère endurant qui, lui, faisait le rappel aux autres. Les gens étaient attristés. Certains avant avaient pleuré. C'est lui qui les consolait. Tu n'aurais pas pu deviner que c'est lui l'éprouvé. Allahu Akbar. Car c'est lui qui consolait. C'est lui qui rappelait. C'est lui qui disait les hadiths. C'est lui qui disait les versets. Au final, je n'ai mentionné qu'un bout de hadith. J'avais prévu peut-être de parler 15 minutes. Je n'ai parlé que 20 secondes. Naam. Et j'ai appris de cette visite l'endurance, le tawhid lors de l'épreuve. Il fut un exemple dans l'endurance, dans l'acceptation du décret d'Allah, dans le fait d'espérer la récompense d'Allah Azza wa Jal. Naam. Et de savoir que ce qu'Allah veut se réalise, et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Et que le bien est dans ce qu'Allah a choisi. Je vous cite cette histoire, car on voit la fraternité, on voit l'entraide, on voit l'endurance, on voit l'agrément de la décision d'Allah Azza wa Jal. Et que l'enfant qui te précède, il t'a précédé au paradis. Incha'Allah ta'ala, qu'Allah leur accorde l'endurance, qu'il soigne son épouse et qu'il allège leur peine et les élève ainsi que nous et nos proches au paradis. والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته